Et oui, bonjour, c'est Bande à part de retour. Bande à part, l'émission du rock progressif sur Brume FM, Brume FM 90.7. Je crois qu'il y a eu un petit problème cette nuit de bande, ce qui explique certainement le silence que vous avez pu remarquer, comme moi-même d'ailleurs, avant de venir et en arrivant dans les studios. Donc, veuillez bien nous en excuser, mais Bande à part reprend le flambeau et relance bien évidemment la musique sur Brume FM. Alors, Bande à part, je rappelle, c'est l'émission du rock progressif qui existe, qui persiste, qui signe et qui dure depuis plus de 4 ans. Bande à part, donc, sur Brume FM, tous les dimanches du 15 de chaque mois, c'est-à-dire donc au milieu du mois, vous avez rendez-vous de 12h à 14h avec Thierry Sportouche, alias Roller Rock, c'est-à-dire moi-même. On a commencé tout de suite avec 4 inédits, s'il vous plaît, rien que ça, 4 inédits de Ange. Donc 2,72, des 45 tours qui existaient à l'époque, qui sont devenus épuisés. Donc 4 inédits, les titres pour les collectionneurs, Tout feu tout flamme qui a été repris dans le dernier album de façon magistrale, Le soleil est trop vert, Le petit vieux de la montagne, et on a terminé avec Dortoman. Pour les fidèles et ceux qui pourront tenir jusqu'à 14h, il y a encore un autre morceau inédit qui s'intitule Vous, que vous pourrez entendre et qui figure sur la compilation du Muséa. Alors au niveau des news, bien évidemment, le dernier concert de Ange qui était rempli à ras-bord au truck est absolument fantastique, encore plus professionnel et plus fignolé et plus théâtral, je dirais, encore plus musical, pour employer une foultitude d'adjectifs, que en juin dernier, en juin donc 88, donc un concert absolument fantastique. Voilà au niveau des news. Au niveau des news, bon, vous savez bien évidemment que le dernier Harmony vient de sortir. Je l'ai rapporté dans mes valises lors d'un voyage à Bordeaux. Il n'est pas encore en vente dans les points habituels que vous connaissez bien, donc tous les disquaires d'occasion de Lyon, je dirais. Mais ça ne saurait tarder. C'est un spécial Autriche-Allemagne, comme je vous l'avais annoncé. Voilà au niveau donc des fanzines, du magazine progressif. Du côté du Muséa, le label de rock progressif français, rien de fantastique. On prépare tout doucement la réédition d'Enchantement, avec notamment une évidente qu'on entendra tout à l'heure. Voilà à peu près au niveau des news. Sinon, parution du disque, vous avez entendu la dernière fois, il y a un mois, vous avez entendu le dernier Amenophis, le dernier Anabis, donc je ne reviendrai pas dessus. Castarnard qui a sorti également un album sur Laser, s'il vous plaît, qui n'est vraiment pas génial du tout. J'ai même carrément raté, c'est du commercial, c'est presque de la New Wave, donc ce n'est pas par mesure de censure, mais on n'entendra pas un seul morceau ici, car c'est vraiment, je crois, la déception de l'année. Voilà, autrement, on attend toujours avec impatience les ateliers d'Aragon, mais tout de suite on enchaîne avec une importation japonaise, pour changer un peu. Fromage, on n'arrive pas dans les chaumières, s'il vous plaît. Fromage, un groupe progressif japonais, comme on les aime bien. C'est extrait d'un album de 88, Ophélia, c'est tout neuf, ça vient de sortir, et c'est sur Brume FM. Amano sola o kage. Voilà un petit fromage qui vient tout à fait à point, je pense, surtout à cette période de repas dominical. Fromage groupe donc japonais, ça date de 88, donc c'est tout neuf, tout beau. Le titre Ophélia, Ophélie en français. Voilà, c'est une première nouveauté sur Bonaparte. Alors, comme d'habitude, je vais annoncer un petit peu ce qui vous attend. Eh bien, après fromage, après les petits inédits de Ange, on va continuer en beauté avec un petit groupe d'Aix-en-Provence qui s'appelle Arakin. C'est un groupe sympathique qui vient de sortir une cassette autoproduite de qualité qui s'intitule Folle Marie. Voilà, ça vient de sortir, c'est de 89, donc on va entendre ça juste après. Ensuite, on continuera sur les petites choses françaises avec un extrait du premier album de Mémoriance. Ce sera la première vieillerie de la journée. Mémoriance, premier album sorti en 76 et après. Vous verrez, c'est splendide, c'est fortement influencé par Ange et Atoll et c'est toute beauté. On continue ensuite, on part cette fois-ci à l'étranger et on va faire aujourd'hui une émission spéciale pays germanique. D'ailleurs, j'attends un invité incessamment sous peu, un spécialiste de ces pays-là. Qui vous en causera longuement avec moi. Donc on partira tout d'abord en Autriche avec Indigo. Indigo, vous allez me dire, tiens, ça me dit quelque chose. Oui, tout à fait, vous avez raison. C'est le groupe qui a suivi Kyrie Eleison. Kyrie Eleison, vous vous souvenez, cet album dont on avait passé une face entière, si je n'ai pas de bêtises, qui avait sorti un album en 76, absolument fantastique, que j'aurais intitulé carrément Nursery Crime Volume 2. Donc Indigo en 84 a repris du service, ou disons plutôt Gérald Krumpel, qui est donc l'âme du groupe et le clavier et compositeur. Il a repris du service en 84, a sorti une flopée de 45 tours et un album de toute beauté, nettement moins progressif et génésicien que Kyrie Eleison, mais quand même très intéressant. On le verra avec des morceaux absolument splendides et en tout cas contemporains. On continuera dans les pays germaniques, comme je vous l'annonçais, avec Pancake. Pancake, un album de 87, cette fois-ci d'Allemagne de l'Ouest, Out of the Ashes. Donc, en sortant, en naissant des cendres, si je traduis bien. Une longue suite qui s'intitule Arctic Ocean, donc l'océan Arctique. Et on terminera, si tout va bien, avec Zarathustra. Zarathustra est un groupe allemand qui a sorti plusieurs albums, dont un en 87, Ritter den Neuer Zeit, excusez-moi mon accent, Le Chevalier du Nouveau Temps, avec un titre intitulé tout simplement Hannibal. Ensuite, une petite surprise, je ne dis pas qui c'est, faudra deviner. Oui, c'est un groupe français qui vient de sortir quelque chose. Les fidèles de l'émission commencent un petit peu à voir de quoi je parle. On enchaînera avec le petit inédit de Ange, si j'y pense bien, donc vous, pour continuer un petit peu notre saga des inédits de Ange, après ce fantastique concert au Truck de vendredi dernier. Et on terminera en beauté avec un groupe suisse, suisse-allemand, Circus, extrait de leur album Fearless, Tearless and Even Less, ouf, dit-il, sorti en 80, vous verrez, c'est de toute beauté aussi, et ça continuera donc notre voyage à travers les pays germaniques. Après tout, c'est le sujet du dernier harmonie, puisqu'on se promène en Suisse, en Autriche, donc je ne fais que mon devoir à vous passer quelques extraits des albums qui sont chroniqués dans ce dernier harmonie, qui, je le rappelle, sera en vente très bientôt, je pense à une semaine prochaine, dans les, non pas les kiosques, mais les points de vente habituels, c'est-à-dire essentiellement les disquaires rock, BD, Ocase de la ville de Lyon, à une ou deux exceptions près, excusez-moi, c'est des restes du concert d'Orange. Donc vous trouverez ce dernier harmonie. Du côté d'Acid Dragon, il sort incessamment sous peu, et d'Anoxy, eh ben, on reviendra tout à l'heure, Mystère et Boule de Gomme. Mais tout de suite, on enchaîne avec, s'il vous plaît, Arakin, ce petit groupe que je vous dis, dont je vous parlais, qui vient d'Aix-en-Provence. Sors de là, mais viens me voir. listening to Broom and Bonaparte, the progressive program in Lyon. Yeah.